Même si m'pa préparé qu'on fait fon aller. Même si m'pa gen l'argent qu'on même pas prêté. Mon compère, côté au diou pour n'aller. Même si m'pa préparé qu'on fait fon aller. Même si m'pa gen l'argent qu'on même pas prêté. Si ou te chita, campé. Si vous avez dormi, levez, levez, levez. En allemand, c'est une belle parole. Montez, montez, montez, montez, montez.